Divers pays ont rapporté les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse Kyodo du Japon, les journaux Dakonbao et Vinhibao et la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, les homepages d'Internet du groupe russe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée, du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme, kim-jong-ilisme, du Comité national d'études des idées du Juche du Congo démocratique et de l'association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée ont fait part de l'inspection par le maréchal Kim Jong-un de la fabrique de l'eau minérale de Lyong-Arsan. Le journal laotien Vientiane Times et les homepages d'Internet de l'Institut du kim-sunisme, kim-jong-ilisme et de l'association d'études du kim-sunisme, kim-jong-ilisme de Rostov, la revue d'Internet Lemchichi, les homepages d'Internet Klasovaya Boliba, Patrioti Moskva de Russie, les homepages du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme, kim-jong-ilisme et de l'association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée ont informé de sa visite à la fabrique de seringues Taedonggang. Le homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections a traité cette nouvelle et annoncé que le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec ceux qui ont contribué à la réussite à l'essai de l'explosion de l'ogive nucléaire. Le journal indien Volksmeitung a annoncé son inspection de la nouvelle fabrique d'oxygène médical. Les mass-médias ont présenté les photos du maréchal Kim Jong-un.